merci manatun mokil mouvement wana remercier binou na ndenge bomoni cd à Jean Gomer à concert Jean Gomer na Lodja bon vivre pe concert na sac na 2009 na Lodja nyoso pona ko yeb sabino ki naza bien formé naza trop bien formé papa Kouemba Kouyaka formateur des idoles notre père petit aussi yemoko alobaka aza for idole des formateurs des idoles. Il y a mon quoi le dit orchestre naï à former a toujours validé. C'est même Nzela à former Kofi Olomide, Kester MNR, Redi Amisi, Awilo Longomba, Bele Bele Bastino, le Lobuso, Toye Kokota Nzela. Mingi baye binga na kasha porte parole, mais naza artiste tout fait qui porte parole parce qu'il y a tanga na sala département français les mystiques. Moi, Fritz et Vanda, le papa a dit qu'il était comme la côté Wana. Mais côté A, Peta, Penza, Penza et Kuba, mon amour. Il y a un moment que ça qui expérience à Bosso. N'a papa, Kema Fumbe. Papa Fouli et Fulinga. Et avant Kema Fumbe, depuis 2006, papa m'a pensé qu'il y a une opportunité. Dans Salaki, album, Tekopa Kachucho Temoto, 2008, dans ce deuxième album. Troisième disque, et ça, en 2011, dans toute la campagne, il y a un gros mona. Yoko yoko. Bon consommer en nous. En tout cas, on a dit qu'il a créé et c'est mon amitié dans la vie. Mais là, on a 5 bino et que pour soutenir Ngaï, pour soutenir Bissou. Ce côté instrument, on peut mettre en allo Djamawa. Na défi, défi, dans Zuzuba, dans l'instrument à l'église, son exacté, son couteau de Tchiwana, ils ont remonté, pas son pénis à disque. Mais ceux qui vous l'ont dit, dans le concert, on a bêta qui a 2009. Beaucoup de son originel, original, il y a l'audio. Moi, dans mon tête, l'agneau sort. Aux États-Unis, aux Afrique du Sud, aux Belgique, France, partout dans le monde, aux Kinshasa. Ce que j'ai occasion, il y a pour l'Anda, CDO, en tout cas, et des bisous, tous les instruments, des bisous. Donc, bon, le langage, mon cousin, la guitare, a tiré langage, aux micro, a tiré langage, amplificateur, a tiré langage, baffle, a tiré langage. Donc, une tinsani à matériel, en tout cas, dans 5 bino. Dans mon bout de l'union, pour culture, on a dû sauver et avancer. Alors, merci à Batoutou de soutenir Nanga. À partir, il y a des tout-puissants d'abord. Pourquoi il y a mes parents Nanga. Et puis, papa Wemba. Na bande qu'on a dû soutenir sur Bazo Landa. Moi, ceux qui ont énuméré, na tagi comme Batoutou de soutenir sur la bouta à Baboté. Comme on dirait, na Boibao. En tout cas, voilà un des messages Nanga. Message Maya Souka Yangouana. Instrument. Azoulé là bas aux États-Unis, bas tu bas en Belgique, bas en France, bas en Londres, bas en Allemagne, bas en Suisse, bas tu bas en Asie, bas en Kinshasa, bas en Lubumbashi, bas en Gabon, partout bas tu viens sur Bagolanda, cassette tout, tu as un poste instrument. Numéro nanga yango 09. Donc il y en a bandara en accord yamoka 00243 9 98 420 625 00 243 9 98 420 625 Batumusu babenga 98 98 sona mengema ngona ndengona 00243 9 98 420 625. En tout cas wana de message nanga Nazana vive à la musique comme porte-parole privé personnel à Papa Wemba et puis artiste et musicien. Bozela, toujours ça l'anze mon sou qui était là, na Papa Wemba, na Mama Tine Moussa, na équipe Mobimba. Donc, tu peux décevoir à Binoté avec Papa Wemba, on dit déjà que de génération en génération. Mais Babitouma, il y a Mike Mike, on a un peu de temps. On a Babitouma, Mikete. Azal est pour confirmer, il n'a rien à prouver. Buso banoya a format le long des photos là que ça n'a face à monde qui tous a battu pour défendre combat papa et bâti une éternité parce que à sala trop pour Buso la présence naïf à banda comme on a que bafoui naïf babandi au bimsa résultat à banda rose donc net combat à bafiki combat à concert mon coup bani ni bani Buso net tous au salon à bête à concert populaire papa et a tonni sa bastade, a tonni sa basale, a miné bani, ba disque, a zoa ba disque, ba ni ba palme. Et si ko yo biso ba na to fo a forma, Partout, mais avec et papa Wemba. Vous avez bien dit que Sabana Kumbele. Kumbele papa Wemba, et ça, pour la Kumbele, Jésus-Christ, y a ba Mahomet. C'était spiritualiste, aza matérialiste. Ce que vous savez, comme vous très bien, au yoki batoli naye, au saleli, ba formule to éducation naye, ou l'année éducation naye, ou qui est trop loin. Y a un gonga na lobi, na kolanda toujours du couloir papa. Naza na vivre la musique pour. Papa nanga za na vivre la musique, maman nanga na vivre la musique, ngamo ko bana nanga ba kokolo. Na vivre nga na kokirante, nana muta ko po orchestre ya vie nanga. Na bosala ka makambwana pona défendre toujours les cours mais toujours porte parole privée. Artiste plus petit à parler. Moi na mère Amazon, Jean Gomez, le panissant. Mango koto, na ba tout ba zona nanga. En tout cas, idéologie toujours la musique. Mingi naye ndenge ka boyokaki ke mafumbe ndenge papa alobaki tozo préparer alors mususu oyo tokosala oyo naye ko présenter pour la toute première fois na face ya Kisasa jeune fille oyo ndenge ka papa mbalobaki na intérieur ya mboka ba tola baza ebele oyo awuti fraîchement na lodja n'a pas encore fait même 3 mois alors azaye mutazo cartonner kuna ndenge ba meje na biso ba sindi na biso kuna ye mutazo cartonner Ndesko avec concours ya ministre seul ministre mutete la toana na gouvernement son excellence Lambert Mende na lilela kiye to sola ki naye ye muto atindele billet penza na compte naye pona aya a rejoindre papa Wemba a rejoindre biso mais en attendant naza ko rodeye po akoma n'équipe ya munene obika ndenge zalaka to sale loko moro boyo soki ça va to ko matana ngo na la musique ya ngonde to ye ko laksa eloko ngo na RTNC et pas na yo donc ska ba sole banda to banana ba feste classe ye déjà tozo banana ye pas doudou ko comment on ni et tout na ye moko aloba kombo kombo na ma matine mama tine banana ye ba devika la d'accord mais on a déjà na répertoire à papa Wemba Wemba déjà banzembo a ko yemba papa Wemba te a ko kota ka folk a ko kota ya Wemba ka folk d'accord Hein, Bacala Diakouba, 100% star, 100% star. Hein. Jean Gomer, lui, aujourd'hui, il préfère un playback seulement. Il voulait seulement faire un playback. Voilà pourquoi je vais les recevoir. Voilà, je vais les recevoir pour ce playback. Je peux me lever, Alex Moussa. Voilà. Il est là pour le playback aujourd'hui, Jean Gomer. Voilà. Salutations, mon frère. En tout cas. Comment ça va, mon frère? Ça va, très bien. Voilà, tous les deux, on a playback. Je ne sais pas maintenant que le playback, nous avons intitulé Nini pour. Et au cas où ça, la playback, nous avons Nini d'abord. Nous avons comme nous avons Yoko. Yoko. Moi, je suis un tout ça qui est un papa qui est ma fumbe. Alors, on a même ordre d'idée. Papa, Aza, Moutoumina, Fouli, Bamarambango, Mikolo, Batamessani. Il y a un moni. Domaine nanga ezaka ka kitete la mingi pona ndule mutu na mutu oyo azokota na world oyo azokota mengama folk ya kitete la ben na marque ya la musique nde nazo proposer loko mususu po soki ndenge tozo binango soki pesi toye banene ya komatsa likolo et puis na zui chance chanteuse moko oyo aza loko la kaka nde tomona ka ba meje 30 na biso ba sindi ba Natalie makoma na biso ya ba tete la na loja ba tine lingaye muto afute la ki tike son excellence Lambert Mende ministre ya formation afute le billet ayakiawa et puis elle n'a pas encore fait 3 mois nde to sali eloko ango to yemi voilà. Merci beaucoup na périmètre divin aye le aye le Faculté de la Sape, chantier à Mbeto, député et donc Fédieka, député assure na Mwamba. Vas-y, sangwa mbouya loja. Otakana lele, aïe, otakana lele, gagne, aïe, otakana lele, bidi, aïe. Satan. Maître Moussa, Oyoki Mamatine. Wache Wango Senge. Chantier, Oyoka idéologie, ya petit dans la propre, Boudingua, Boniface, Loboni. Véritable top tenge kenge te vida Mambola wo yalole yo Mambola wo chala futu Mambola wo yalole yo Mbohe langelo yaso Nano kanda malakaso Tanyingelo kalanga wo Tanyingelo kabote wo Mano yomba kalela wo Malo yo kaka yo mama Kobanga te Depite da sodo yo yo Kassongo, producteur, Nozoya. Etsevi, Elongo, Anel, Ova, Bina, maman, ingénieur, trésor, Kanou, Ngaï, Nawil Sakati, Jean Gomer, Yoko, Yoko, Yoko, Yoko, Yoko, Yoko. Mama Jessa, Sane, Salam sana, Mama, Sana, Sana, Motique, André Lohasa, Sana, Momé, jeune commerçant, Sana, Momé, Jatele, Jean-Claude Kassongo, Bina Sana, Motique, Komore, Sana, Kano, Kenelo, Roger Omonio, Yoko, Yoko, Kano, Kenelo, Lombole, Sana, Moko, Bina, Yoko, Yoko, Yoko yoko ko, sane sana sana, sane sana sana. Disre mokozi, yoki mopanzi sango ya solo. Kende bakala dikole sana, aeka bakalo lomoe sana. Dikolo bakala dikole sana, awere bakale lomoe sana. Sana danse da tongile sana Sane sana sana Jipelo diha Wembo nyama Sana komala jazale sana Yoko yoko Sana komala chumbele sana Sana komakata kole sana Sana komala lojale sana Agence Cap-Prêtre Sana komale sekele sana Agence Yassure Mazembe Aviation Papa Kapasa Yandala Bina Bina Papa we mafula ngendele sana Inyoko atembe Sapo sasa Oyo kimo parisa mwona yo Edalo kenye wo kenya resana Chapembe wo kenya resana Sifi kalonga Monique kalonga Oyoko C'était un morceau qu'on a conçu avec Mama Tine Il y a pratiquement 3 mois, c'est déjà parti chez nous et ça cartonne, ça fait un carton là. Chez vous, c'est-à-dire quoi, chez les Batété là ? Sankourou, au Sankourou. Je crois que tous les Sankourois qui nous viennent du terroir, ils sont suffisamment informés, ils sont affectés de cette bonne musique que nous les avons offerte. Alors, qu'est-ce qu'il y a au juste ? Nous avons proposé ce truc à Papa Wemba, qui est le maître de tout ce que nous faisons, et il en a accepté. Malheureusement, Viva la Musique n'a pas de production phonographique pour le moment. Et nous voudrions passer pour des promos un peu provisoires, afin que les gens qui ont l'habitude de nous suivre tout le temps, et sachent quand même attendre qu'on est en train de un peu de l'ordinaire parce que merci. On ne sait pas tellement la musique folklorique t'était là, mais c'est la musique un peu modernisée t'était là. Merci et beaucoup. Là, j'ai la chance de vous présenter Mama Tine. Naza pour présenter Mama Tine et Moussa Oyopenza ou Naza pour remercier. Je cherchais la voix qui pouvait chanter énormément, qui pouvait faire du miel Nabatutu. Mais c'est la voix qui a fait du miel Nabatutu.